Bonsoir. Dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, Jesse Owens, un champion noir, défie Hitler. 1er août 1936, dans le gigantesque Olympia Stadium de Berlin. La mise en scène est grandiose jusqu'à la nausée. Plus de 100 000 personnes réunies pour l'ouverture des Jeux Olympiques. 100 000 personnes, le bras tendu vers Adolf Hitler, le dictateur qui a pris le pouvoir en Allemagne 3 ans plus tôt. 4 000 athlètes de 49 nations qui défilent devant la tribune et la foule en délire. Le Messie de Wendel, dirigé par Richard Strauss, le Troisième Reich doit impressionner le monde entier. Mais dans l'ombre du zeppelin qui plane au-dessus du stade, comment ne pas voir la guerre qui menace ? Jesse Owens, lui, n'est pas dupe du régime nazi et de sa politique raciste, mais comme tout participant aux Jeux, il est venu à Berlin pour le sport, pour remporter des médailles. Et l'athlète noir américain, qui est déjà recordman du monde du 100 mètres de saut en longueur, dépassera les attentes en remportant 4 médailles d'or et en devenant à Berlin une véritable star. L'histoire que je vais raconter ce soir est donc celle de Jesse Owens, le petit-fils d'esclave de l'Alabama, qui en 1936, par ses exploits, mais aussi par son amitié avec un Allemand, osa défier Hitler. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Maryse Évanger-Épée, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultante sportive à RMC, mais bien sûr, comment l'ignorer, vous êtes aussi une grande sportive. Vous avez été championne de saut en hauteur, une discipline pour laquelle vous avez pendant 24 ans détenu le record de France. De 80 à 96, vous avez compté 43 sélections en équipe de France. Vous avez même participé aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 84. Et vous êtes l'auteur donc d'un livre magnifique sur Jesse Owens, la fabuleuse histoire de Jesse Owens. Pourquoi avoir écrit un livre sur cet athlète qui est mort en 1980? Eh bien, parce que je dois dire que le sport, c'est quelque chose qui m'a forgé toute ma vie, mais qui a accompagné pas simplement le développement de la jeune fille et de la jeune femme, mais qui a nourri aussi mon imaginaire. Et je pense que je n'aurais pas choisi ce sport s'il n'y avait pas eu des très grandes histoires sportives. Et j'étais très attirée par l'historique. Et le personnage de Jesse Owens, c'est tout simplement pour moi un personnage qui est romanesque, qui ressemble à un héros de film, en même temps qu'il est un athlète. Donc c'était un modèle particulier et particulièrement inspirant pour moi qui, à 8 ans, déjà rêvé de faire les Jeux Olympiques. Et vous l'avez vu dans des films, vous l'avez vu courir? Alors, je l'ai vu courir quand j'avais 8 ans, pour la toute première fois. J'étais à l'époque à Clermont-Ferrand, j'habitais une petite ville où on faisait beaucoup de sport. Et puis un jour où il pleuvait, où on ne pouvait pas faire de sport, on nous a passé des films comme ça. Et tout d'un coup, j'ai vu débarquer ce jeune homme particulièrement beau qui volait comme ça au-dessus de la piste. Déjà à l'époque, c'était des images qui avaient été prises lors des Jeux Olympiques de 1936 par Leni Riefenstahl. Des images qui sont magnifiques autant que controversées. Oui, Jesse Owens, un homme noir. Beau, avec un sourire assez désarmant, assez incroyable. Oui, il était physiquement parfait, un corps parfait, ça c'était ses entraîneurs qui disaient ça, et puis effectivement un charme particulier, il était très clair de peau, ce qui à l'époque, dans une Amérique ségrégationniste, pouvait compter également pour la carrière d'un jeune homme au-delà de sa carrière sportive, et puis c'est vrai qu'il avait un charme tout à fait particulier au-delà de ses performances, donc très inspirant. Alors l'histoire que je vais raconter ce soir commence en juillet 1936, on est aux États-Unis à l'université de Columbus, on va l'entendre, Jesse Owens alors a 23 ans. Quelle a été sa vie avant de devenir un sportif connu? Alors ça a été la vie d'un certain nombre de jeunes noirs nés dans le sud des États-Unis. Il était le petit-fils d'esclaves américains et le fils d'un fermier américain. Bon, en Alabama, la seule chose qui pouvait faire vivre une famille de noirs, c'était les récoltes, tout simplement, le riz. Et donc il vivait dans cette petite ville d'Oakville en Alabama, où il était l'avant-dernier d'une famille très très nombreuse de oui, jeunes 11 enfants, 11 enfants qui vivait dans deux pièces familiales avec très peu de choses pour vivre, avec un pantalon pour le week-end, un autre pour la semaine, une chemise pour le week-end, une autre pour la semaine, pas de chaussures et beaucoup d'envie, beaucoup de rêves comme n'importe quel gamin. Il était très admiratif de son père qui lui-même était le meilleur coureur du comté, qui généralement après la messe le dimanche, il y avait ces espèces de courses qui s'organisaient autour de l'église et il était un peu le héros de ces courses-là et ça a été son premier héros. un héros, mais en même temps un homme qui ne regardait pas les blancs dans les yeux, oui, disait-il, et une mère en revanche peut-être plus audacieuse, plus lumineuse. C'est ça, je pense que sa mère était un petit peu plus révolutionnaire, entre guillemets, c'était celle qui peut-être a insufflé le vent de la révolte à son fils, et elle, pour elle, il fallait toujours se révolter et aller de l'avant. En 1920, la famille quitte le sud pour le nord des États-Unis, enfin le Cleveland. On peut s'attendre à ce que, voilà, que ce soit la fin des lois ségrégationnistes, mais non, dans le nord encore, il y a du racisme et là encore, Jesse Owens va devoir se battre pour s'imposer. Là, on est dans une autre période qui est une période de grande migration parce qu'effectivement, dans le sud des États-Unis, les récoltes ont été mises à mal par un certain nombre de maladies et énormément de familles essayent d'aller chercher des jours meilleurs du côté du nord des États-Unis qui est en train de s'industrialiser, donc c'est le grand rêve américain. Tout le monde part là-bas, pas simplement des Noirs d'ailleurs. Tout un tas de métèques, évidemment, j'utilise des gros guillemets, donc des Polonais, des Tchèques, des Allemands. Tout le monde part vers le nord et il y a une autre forme de ségrégation. Ils sont évidemment mis un petit peu en dehors de la ville parce qu'on ne peut pas trop mélanger les genres. Et puis au niveau de l'école, eh bien évidemment, les Noirs ont très très peu accès à l'école. Dans le cas de la famille de Jesse Owens, il sera le seul à aller jusqu'aux années universitaires, mais par contre, il n'a pas le droit de rentrer sur le campus universitaire où se trouvent les Blancs. Il doit être logé un petit peu en dehors. Et puis, bien sûr, comme sa vie est très difficile, il doit travailler très tôt le matin et tard le soir, oui, pour pouvoir payer ses études et pour pouvoir payer aussi sa pratique sportive. Alors, je vous propose, Maryse Évanger-Épée, que nous nous retrouvions dans 30 minutes environ. Tout de suite, Jesse Owens, un champion noir défie Hitler, un texte de Renaud Meyer écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation Michel Sidorov. Qu'il a. Il me regarde comme si j'avais volé une pomme. Il n'a jamais pris l'ascenseur avec un noir. Alors même ici, en Ohio, on reste des nègres. Ça ne changera pas. Mon père aurait baissé la tête. Mais pas moi. Je m'en fous, je l'ignore ce type. Mon père. Je l'ai fait venir ici, je lui ai trouvé un boulot. Mais non, il aurait préféré rester en Alabama à cultiver son champ. Ah, bien, ça y est. Le monsieur m'a souri. Il a dû reconnaître le champion du monde. Je suis un peu moins noir soudain. Pas compliqué, c'est sûr, je fais la une de tous les journaux cette semaine. La prochaine fois, il me dira peut-être au revoir en sortant de l'ascenseur. Juillet 1936, à l'université de Columbus. Ce jeune homme noir, grand et mince, au sourire désarmant, est une célébrité. Jesse Owens, champion du monde du 100 mètres et du saut en longueur. À 23 ans, Jesse est aussi un père de famille qui multiplie les petits boulots tout en poursuivant ses études. Déterminé à s'arracher à sa condition sociale grâce au sport, il est devenu un symbole pour tous les Noirs américains qui ont quitté le Sud avec l'espoir d'une vie meilleure dans l'Ohio ou le Michigan. Depuis quelques semaines aux États-Unis, une question est sur toutes les lèvres. Le pays participera-t-il aux Jeux Olympiques organisés par Hitler à Berlin le mois prochain ? De nombreux groupes de pression veulent boycotter les Jeux. Le comité olympique américain est quant à lui divisé. Son président, Avery Brundage, antisémite, proche du Ku Klux Klan, a fait un voyage de reconnaissance à Berlin en octobre 1935. Les dirigeants allemands n'ont eu aucun mal à le duper sur la véritable nature du régime nazi. En cette journée de juillet 1936, des milliers d'Américains donc sont suspendus à la décision du comité olympique. Jesse s'entraîne sur le stade de l'université, sous le regard de son entraîneur, Larry Snyder. Combien, Larry ? 10 secondes 4. Ah, je suis fatigué ce matin. T'as raté ton départ. Je me suis laissé distraire. Pense aux chevaux, Jesse. T'as déjà vu des chevaux courir ? Ils foncent. Ils cherchent à épater personne. Ils se laissent jamais distraire. Tu dois être à 10-2 tout le temps. Allez, à la douche. Un titre de champion du monde, ça se défend tous les jours. Je le lâcherai pas, Larry. Je le laisse, je le garde. Alors tu vas me faire le plaisir de rafler toutes les médailles. Hors de question de leur laisser l'or à ces foutus nazis. Quel nazi, Larry ? De quoi vous parlez ? De ces enfoirés de nazis qui nous attendent à Berlin. Berlin, c'est sûr alors, les États-Unis y vont? Ça vient de tomber. J'ai pas voulu t'en parler avant. Et toi, Jesse? Tu pars là-bas représenter les États-Unis. Pourquoi tu fais cette tête? C'est quoi le problème? J'ai réfléchi, Larry, on en a beaucoup parlé avec Ruth. Depuis plusieurs jours, je suis pas sûr de vouloir partir. Comment ça? Berlin, c'est pas pour moi. C'est à cause de ta femme? Qu'est-ce qu'elle t'a encore mis dans la tête? Je ne veux pas courir devant Hitler, je ne veux pas faire ce plaisir à un dictateur. Que le petit homme à la moustache se moque d'un nègre. D'un quoi? Enfin, Jesse! Tu t'es pas... Larry, je suis noir de la tête aux pieds. Ça ne vous a pas échappé? Non, t'es l'homme le plus rapide du monde. C'est pas ce que disent les nazis. Ils se croient plus forts et plus intelligents que les autres. Eh bien, on va leur prouver le contraire. Si toi, tu vas pas à Berlin, alors qui ira? Tu peux me le dire? Attends, laissez-moi prendre ma douche. Tu vas m'écouter, Jesse Owens. Tu seras pas le seul athlète noir à Berlin. Al Britton y va. Metcalf aussi. Et tu sais pourquoi? Justement, ils ne veulent pas qu'Hitler puisse dire que les Américains sont des trouillards et les Noirs des sous-hommes. Allez, sors de cette douche, mon Dieu, c'est bon, t'es propre. Tu vas rester dans l'Ohio pendant que les nazis donneront des médailles à leurs champions? Tu veux laisser l'or à Luce Long? Jesse, tu m'écoutes? Passez-moi ma serviette. Tiens. Vous m'avez toujours enseigné que la seule victoire qui compte est celle qu'on gagne sur soi-même. Eh bien, Berlin est l'exception qui confirme la règle. Inutile d'insister, il y a sans doute des choses que vous avez du mal à comprendre. Après tout ce que j'ai fait pour toi, me laisser tomber à la veille des Jeux Olympiques. C'est fini, terminé, je veux plus m'occuper de toi. Larry Snyder, jette l'éponge. D'accord. Attends, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je vais trouver un autre entraîneur. Reste là, c'est un ordre. Je n'ai pas d'ordre à recevoir. Même de vous, Larry. Reviens. Tu vas m'écouter. Réfléchis, Jesse. Ça fait des années que tu accumules les sacrifices, tous ces efforts, les tiens, les miens, pour pulvériser les records, t'y as pensé? Je ne pense qu'à ça. Et t'irais pas donner une dérouillée à ces nazis? Toi, le champion du monde? Le 15 juillet 1936, Jesse Owens s'embarque pour l'Europe, direction Hambourg. Le 24 juillet, il arrive à Berlin, dans une ville curieusement nettoyée de ses symboles antisémites. Hitler veut convaincre les étrangers que le calme règne en Allemagne. C'est l'occasion d'une propagande inespérée pour le Troisième Reich. Les lois de Nuremberg, édictées 8 mois plus tôt, qui accentuent l'exclusion des Juifs de la société allemande, sont suspendues le temps des Jeux. Les rafles reportées, les pancartes anti-juives et les journaux nazis retirés. On peut à nouveau écouter du jazz. Hitler a tout prévu pour accueillir ses hôtes sous son meilleur jour. Alors, t'es pas heureux ici, Jesse? Ils ont mis le paquet. Des corbeilles de fruits, des gâteaux, des boutiques, des coiffeurs, des dentistes et même des filles. Ils ont pensé à tout, c'est le paradis. Ces jardins, quel pied. Et toi qui hésitais à venir? Larry, parlez plus bas. Qu'est-ce qu'il y a? Chut, venez par là. Et pour que tu te caches. On nous observe. Qui? Les deux jeunes en blanc, là, en culotte courte. Les petits anges blonds, là-bas? C'est des gamins. Ils accompagnent les délégations, toujours le sourire, toujours prêts à servir. Ils sont là pour nous espionner. Vous êtes aveugles ou quoi? C'est un carnaval, tout ça, du miel pour attirer les guêpes. Ils nous sortent le grand jeu. Et moi, je n'y crois pas, ce paradis sur Terre à 10 kilomètres de Berlin. C'est pas vous qui, à Columbus, me parliez de ces sacrés enfoirés de nazis? Ça reste de sacrés enfoirés, mais ici, il faut reconnaître, ils ne regardent pas à la couleur. Tu as ta chambre avec des blancs, je te ferai remarquer. C'est vrai? Dans le village olympique? Mais dehors, dans Berlin, derrière ce décor de carton-pâte, il se passe des trucs atroces dans cette ville. Avec les juifs et les tziganes. Bien plus dégueulasse que ce qu'on fait aux noirs dans le sud, si vous voyez ce que je veux dire. Et tu as réussi à glaner des informations? Venez. Où tu m'emmènes? Dans ma chambre. On n'est pas mieux dehors, au soleil? J'ai quelque chose à vous montrer. On m'a donné une chose aux États-Unis, juste avant de monter dans le bateau. On m'a donné ce journal. Journal illustré des travailleurs allemands en exil. Des anti-nazis exilés aux États-Unis. Regardez à l'intérieur. Page 15. Là. Il propose une visite guidée de Berlin. Et alors? C'est pas le Berlin qu'Hitler veut nous montrer. Non, c'est le vrai Berlin. Celui du national-socialisme. Vous voyez? Ça commence par la Gestapo. Ensuite, la section SA. Il y a même les adresses. Mon Dieu. Et puis là... Ah, voilà. Et puis aussi les caves. Celles où on torture des juifs. Il parle d'un camp de concentration à Berlin même, la Columbia House, dans le quartier Tempelhof, pour les opposants politiques. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je suis coincé ici. J'ai mon entraînement... Je dois me concentrer sur les épreuves. Mais vous, vous ne pourriez pas aller voir, vérifier sur place? Et ça changerait quoi? Je ne suis pas venu à Berlin pour espionner. Si je me fais prendre avec ce journal... Allez, ça... allez. En tant que visiteur américain, vous ne risquez pas grand-chose. On ne va pas rester dans ce village olympique à manger des fruits et sourire aux filles. Courir gentiment devant Hitler. Et repartir aux États-Unis comme si de rien n'était. Ce serait bien de savoir ce qui se passe. Non mais on est ici pour gagner des médailles, pas pour renverser le Troisième Reich. Je suis ici pour défier Hitler et je veux tout connaître de mon adversaire. Mais ton adversaire, c'est Lutz Lang. Lutz Lang, c'est mon affaire. Le lendemain, le 1er août 1936, a lieu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Hitler a fait construire pour l'occasion l'Olympia Stadion. Tout rappelle la Grèce antique dans ce stade gigantesque, qui peut accueillir jusqu'à 100 000 personnes. Le zeppelin Hindenburg fait son apparition au-dessus des spectateurs médusés. Depuis la tribune, Hitler et Goebbels regardent défiler 4 000 athlètes issus des 49 nations participantes. Passant devant le Führer, les Français font le salut olympique qui ressemble étrangement au salut nazi. Les Anglais et les Américains, eux, se gardent bien de ce geste qui pourrait apparaître comme un signe d'allégeance. Enfin, les athlètes allemands, tout de blanc vêtus, ferment la marche, suivis de près par un cortège de la Wehrmacht. Hitler n'a pas oublié que dans la tradition antique, les Jeux sont toujours une trêve entre les combats. Ich verkünde die Spiele von Berlin. Zur Feier der ersten Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Le 2 août 1936, le temps est lourd, presque orageux. Les épreuves éliminatoires du saut en longueur se déroulent au stade Olympia, sous le regard du chancelier et de la cinéaste Leni Riefenstahl. Hitler l'a chargé de réaliser un long métrage à la gloire du Troisième Reich. Avec plus de 40 caméras, le budget du film est colossal. Durant ses essais, Jesse Owens aperçoit enfin son principal adversaire, Lutz Lang, qui est l'archétype de l'athlète aryen, presque une statue grecque. J'ai mordu la ligne. Comment c'est possible? J'ai la tête ailleurs, il faut que je reste concentré. Je suis trop tendu. Il est toujours là? Ouais. Il est là avec son ministre de la propagande, le petit maigre qui le suit partout. Je sens leur regard dans mon dos. Hitler n'attend qu'une chose, que je rate mes trois essais, que le nègre retourne d'où il est venu, sans participer aux épreuves. Reste concentré, Jesse. C'est pas grave, t'as encore deux essais. C'est toi le champion du monde. Arrête d'essayer d'épater les autres. Laisse ça aux acteurs, pense aux chevaux. C'est toi que tu dois battre, personne d'autre. Deuxième essai. Pas de panique, je vais réussir. 7m35, c'est rien. J'ai toujours fait 7,70 à l'entraînement. Pourquoi j'ai peur comme ça? Je sens un vide à l'intérieur, c'est pas croyable. Les autres ont l'air détendus. Tous. Même. Lutzlong. C'est lui? Le type qui me sourit? Il fait au moins 4 cm de plus que moi. Le corps parfait. En plus, il est chez lui, le champion d'Hitler. Il va m'écraser. Qu'est-ce que je fais ici? Larry a raison. Il faut que j'oublie Hitler. Lutzlong n'existe pas. C'est moi que je dois dépasser. Pensez aux chevaux. Allez. Au deuxième essai, Jesse Owens saute moins de 7 m30. Il n'est toujours pas qualifié pour les épreuves. Le doute s'installe dans son esprit. D'autant que la loge d'Hitler est maintenant vide. Le chancelier a quitté la tribune. Un signe de mépris pour Jesse Owens? La presse câble déjà que le champion du monde ne sera peut-être pas qualifié. Tout le stade est acquis à Lutzlong, qui n'a eu à effectuer qu'un seul saut pour réussir les épreuves éliminatoires. Jesse Owens? Pardon? Il faut te détendre. J'ai l'air tendu. Pas mal, oui. C'est un conseil du champion d'Europe au champion du monde? Un conseil de Lutzlong à Jesse Owens, c'est tout. Moins de 7 m30. J'ai pas fait un aussi mauvais score depuis le lycée. Le problème, c'est que tu as peur de commettre une nouvelle faute. Si je ne réussis pas ce troisième essai, je peux retourner chez moi aux États-Unis. Ça t'arrangerait, je sais. Mais désolé, Lutz, je ne suis pas du genre à renoncer aux médailles d'or. Tu fais comme tu veux. Mais si tu sautes de toutes tes forces, tu vas encore dépasser la ligne. Et si tu mesures ton élan, tu ne vas pas aller assez loin. C'est quoi ta solution? Saute 15 cm avant la ligne. Je vais déposer ma serviette près de la planche d'appel. Ça te servira de repère. Et ça marche, ton truc? L'année dernière, à Cologne, il m'est arrivé la même chose. Fais-moi confiance, champion du monde. Lutz! Pourquoi tu m'aides? C'est l'esprit des jeux, non? L'esprit des jeux ou la ruse du champion d'Hitler? Pourquoi j'écouterais les conseils d'un athlète nazi? Il me sourit encore. Pourquoi il veut m'aider? C'est curieux, ça ne colle pas avec Hitler et son cirque nazi. Après tout, Lutzlong n'est pas Hitler. Ni Goebbels, ni un officier de la Wehrmacht. C'est juste un sportif, comme moi. Ma serviette. Je vais sauter où il m'a dit. Jesse Owens réussit son essai à plus de 8 mètres. Cette qualification, il la doit à Lutzlong. Une amitié vient de naître entre le champion noir et l'athlète arien, créant un retournement de situation spectaculaire dans la campagne de propagande organisée par Hitler. Son champion fraternise avec l'ennemi devant des millions de spectateurs qui assistent aux épreuves grâce à la radio et aux informations filmées. Le 3 août 1936, c'est un nouveau coup porté par Owens qui remporte la médaille d'or lors de l'épreuve reine du 100 mètres. Pour Hitler, cette humiliation est insupportable. Il quitte la tribune, ulcéré de voir un noir sur la plus haute marche du podium. Le lendemain, l'épreuve du saut en longueur doit couronner Lutzlong. C'est vital pour l'image du Troisième Reich. Hitler revient assister à l'événement. Il est nerveux, gesticule, se frappe les cuisses, murmure sans cesse à l'oreille de Goebbels, tandis que les athlètes accomplissent leur saut. Lutzlong doit gagner. Mais c'est finalement Owens qui remporte l'or, à 8 m 03, dépassant Long de près de 20 cm. Dans un mouvement spontané, le champion allemand prend la main d'Owens et la brandit face à la foule en délire qui hurle le nom du nouveau médaillé d'or. Hitler est fou de rage. Jesse! Lutz! Yeah! Kann ich mal eine Foto machen? Qu'est-ce qu'il veut? Il aimerait nous prendre en photo tous les deux. Juste toi et moi? Les deux champions. Debout? Comme ça? Sollen wir uns so hinstellen? Nee, Leute. Nebeneinander auf dem Rasen, wa? Non, il veut qu'on s'allonge sur la pelouse, côte à côte. Comme deux mômes qui font l'école buissonnière. Bah, ou comme deux frères qui sont heureux de se retrouver. Sacré Lutz. Heureux de te retrouver, vieux frère. Heureux de te connaître, Jesse. Bon, Gabou. Devant nous. Sollen wir gerade ausschauen? Lächeln, Leute. Immer schön lächeln. Genau. Non, il veut qu'on discute. On reste naturel. C'est ça. Tu me racontes ta vie. Et toi, ça te fait rien. Die Goldmedaille. Wunderbar. La médaille d'or, Jesse. Tu es le meilleur. Ça te fait rire. Naturel. 8 mètres, ça te fait rire. Ah, mein lieber Bruder, tu as pulvérisé le Weltrekord. Ça te rend joyeux. Bah, j'ai l'argent. C'est pas mal, non? Et puis, rien qu'à voir la tête du chancelier, ça vaut toutes les médailles. Tu n'as peur de rien. Le photographe ne comprend pas ce qu'on raconte. Souris, Jesse, souris. Du, Jesse, und jetzt mal Kopf auf die Hand legen, bitte, ja? Il veut que tu poses ta tête sur la paume de ta main. Voilà, comme ça. Ja, wunderbar. Großartig. Ihr seid die Besten, ihr beiden. Gratulation nochmal, ne? Goldmedaille, Silbermedaille, was ein Ding hier, Wahnsinn! Regarde-moi maintenant, et on continue à discuter comme si de rien n'était. Lutz, je peux te poser une question. Tu me réponds franchement. Hitler, tu en penses quoi comme chancelier? Les sportifs allemands, on a des grandes facilités. Transport gratuit, médicaments, nourriture. Mais en échange, il faut être docile, prêter serment au Reich. Tu vois ce que je veux dire? Bien obligé de faire bonne figure auprès des autorités de mon pays. Je n'ai pas très envie que ma famille soit inquiétée. Je comprends, mais... Les Juifs. Quoi, les Juifs? On raconte beaucoup de choses. Tu vois tous ces gens autour de nous dans les tribunes? Si tu leur demandes ce qu'ils pensent des Juifs, ils te diront que les Juifs sont cupides, qu'ils sont calculateurs, fourbes, que tous nos problèmes sont de leur faute et que notre devoir est de le faire disparaître. La plupart des gens de cette tribune pensent ça. Regarde-les bien, ils sont 100 000 et toi et moi, nous sommes deux. Pas très équilibrés qu'en combat. Alors on ne fait rien. Lächeln, genau, lächeln. Souris, Jesse. Souris aux gens et souris aux photographes. Dans mon pays, les Noirs ont été longtemps des esclaves. Et aujourd'hui encore, il y a des États qui nous traitent comme des sous-hommes. Mais on lutte. Il y a un débat politique. On se laisse pas faire. Mais je lutte, Jesse, moi aussi. Avec le sport, mais je lutte. Qui a pris ta main et l'a brandi vers la foule? Et ils ont tous crié ton nom. C'est toi, le Noir, qu'ils ont applaudi. Les mêmes qui veulent envahir l'Europe et martyriser les Juifs. C'est une foule, Jesse. Ils sont prêts à tout. Ils veulent des héros, des chefs qui les guident. Cette image différente a peut-être allumé une petite lueur dans leur esprit. Ihr seid spitze, Kinder! Spitze! Danke. Merci. Tu vois, le photographe est content. Il a le meilleur cliché des Jeux de Berlin. Tu rejoins ton équipe? Oui. Mais ce soir, on dîne ensemble, toi et moi. Entendu. Tu es marié, Lutz? J'ai une femme. Et tu vas élever tes enfants au milieu de cette foule en délire? J'apprendrai à mes enfants à ne faire attention ni à la couleur de la peau, ni à la religion. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Jesse Owens et Lutz Lang ne se quittent plus, au stade comme au village olympique. On les voit discuter jusque tard dans la nuit. Le 5 août 1936, Jesse remporte à nouveau l'or aux épreuves du 200 mètres en 20 secondes et 7 dixièmes. Le sport et l'amitié semblent avoir porté un coup à l'idéologie nazie. Mais c'est sur le terrain de l'antisémitisme que va ressurgir l'affrontement avec Hitler. Tu dois remplacer Stoller, Jesse. C'est ton devoir. Entre athlètes américains, vous devez vous serrer les coudes. Je ne remplacerai pas Stoller. Hors de question. Remets ce maillot. Qu'est-ce qui te prend? Metcalf a accepté de courir à la place de Glickman. Pourquoi tu refuses? Vous vous rendez compte de ce qu'on me demande? C'est clair. Stoller et Glickman sont écartés du relais parce qu'ils sont juifs. Américain, mais juif. Mais non! Tes entraîneurs estiment que Stoller et Glickman ne sont pas au niveau. C'est pas parce qu'ils sont juifs. Ils préfèrent simplement que des types plus performants défendent l'Amérique à leur place. Les entraîneurs sont aux ordres du comité olympique. Et le comité lèche les bottes d'Hitler, c'est évident. Vous pensez que Glickman, lui, aurait accepté de me remplacer si on avait organisé les JO en Alabama? Il y a 50 ans? Je ne crois pas. Tu mélanges tout, Jesse. Allez, remets tes chaussures et ton maillot. Et file rejoindre ton équipe. Ça en est où, vos recherches, Don Bernard? Quelles recherches? Sur le camp de Columbia House. À Tepelhof. Mais je te l'ai dit, on ne m'a laissé entrer nulle part. Vous n'avez peut-être pas vraiment cherché. J'ai autre chose à faire. Tu n'avais qu'à y aller, toi, au lieu de faire des séances photos avec Herr Lutzlong. Bon, Jesse. Revenons au sport. T'as déjà 3 médailles d'or, ce 4x100 mètres, c'est l'occasion d'en décrocher une quatrième. Que le comité allemand ait écarté sa championne Gretel Bergmann, parce qu'elle est juive. Ça vous laisse de marge. Je vais aller leur rendre mes médailles à ces enfoirés de nazis. Reste là, Jesse, tu vas pas y aller en chaussettes. J'ai plus d'allure en chaussettes qu'Hitler en tenue de combat. Tu vas faire une connerie. Je vais aller lui serrer la main puisqu'il n'a pas voulu me recevoir dans sa loge. Ok, Jesse, attends. T'as raison, les entraîneurs de l'équipe ont écarté Stoller et Glickman pour des raisons diplomatiques. C'est bien ce que je dis. Parce qu'ils sont juifs. Et moi qui suis noir, j'irai les remplacer. Chut. Un fort. Venez par là. Lutz, je vous en supplie, essayez de le raisonner. Jesse ne veut pas courir le relais à la place de Stoller. On écarte Stoller parce que Stoller est juif. Non. Ne me dis pas que tu es d'accord avec cette décision, Lutz. Pas toi. On se connaît. Jamais tu n'accepterais ça. Tu penses que j'aurais le choix? À Berlin, on laisse à la rigueur un noir participer au jeu, mais ils ne veulent pas courir le risque qu'un juif gagne et ridiculise le national-socialisme. Un noir, c'est moins dangereux qu'un juif, c'est ça? On est d'accord, Jesse. Tout cela est terrifiant, absurde. Oui, c'est absurde, mais il faut que tu comprennes une chose. Si tu remplaces Pasteller, l'équipe américaine est sûre de perdre. Tu dois courir pour ton équipe. Jesse. The men's 400 meters relay. The teams in the final are Argentine on the inside lane, Germany next, then Holland, America, Italy, and Canada on the outside. Jesse Owens accepte avec Metcalf de remplacer les deux athlètes juifs américains et remporte l'or dans cette épreuve du relais 4x100 mètres. Il est désormais le héros des Jeux d'été de 1936. Son amitié avec Lutz Lang marque tous les esprits. Pourtant, avec 89 médailles, dont 33 en or, les athlètes allemands devancent largement les Américains. Hitler est satisfait. Jesse Owens rentre aux États-Unis, auréolé de 4 médailles d'or. Assis à l'arrière d'une décapotable, il est accueilli triomphalement dans les rues de New York. Cependant, le président Roosevelt ne le reçoit pas à la Maison-Blanche, soucieux de ne pas ternir son image à quelques mois des élections. Jesse? Larry? Qu'est-ce que vous faites à Cleveland? Non, j'avais rendez-vous avec un ami. T'aurais pu donner de tes nouvelles, champion, ça fait des mois. T'as disparu de la circulation. Ah, si vous saviez, Larry. Depuis que t'as sauté dans la stratosphère des riches, t'as oublié ton coach, Jesse. Vous parlez de notre stratosphère? Qu'est-ce que tu faisais au tribunal? T'as des soucis? Des gros soucis. Ah, ça va pas avec Rousse? J'ai des problèmes d'argent. D'argent, toi? C'est pas possible. La dernière fois, tu... Restons pas sur ce trottoir. On va prendre un verre. J'ai pas trop de temps, là. Eh ben, tu vas le prendre. Alors, c'est quoi cette histoire d'argent? S'il vous plaît. Deux bières. Merci. Quand on est revenu de Berlin, t'avais pas une minute à toi, toujours avec un milliardaire sur un yacht, dans un hôtel de luxe. T'avais 1000 projets. J'étais là pour amuser la galerie. J'ai mis du temps à le comprendre. Merci. Merci. La tienne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cru que... Je pensais que la fête ne finirait jamais. J'ai acheté une maison à mes parents. J'ai accepté d'être le patron d'une chaîne de nettoyage, Jesse Owens. Mais les gens, Larry, sont pas toujours honnêtes. Tes associés? Je dois 115 000 dollars. 100? Ah oui, c'est une somme. Quand on en gagne 28 par semaine comme entraîneur de sport, c'est une vie de travail. T'as pensé à une autre solution? J'ai accepté de courir contre un cheval sur 100 mètres. C'est bien payé. Une attraction? Toi, le champion du monde? C'est humiliant, là. Si vous saviez, c'est pire que le métayage. C'est pas juste. Allez, termine ta bière, on y va. On va où? Je vais te présenter un ami. Mais... Allez, allez, prends ton sac, on y va. Où est-ce que vous m'emmenez, Larry? Voir mon ami David Melville. Ici, à Cleveland? Oui, à 200 mètres. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce Melville? Il est juif. Je lui ai souvent parlé de toi, de la façon dont tu avais tenu tête à Hitler en 36. Je lui ai raconté l'histoire de Stoller et Glickman, et puis ton obsession avec moi. Quelle obsession? Cette idée de vouloir m'envoyer dans Berlin pour prouver que les Juifs étaient persécutés. Cela dit, tu avais raison. À Berlin, en 36, Hitler a bien caché son jeu. Et Lutz, tu as des nouvelles? Il a été exempté au début de la guerre pour raison de santé. Mais il vient de rejoindre la division de Göring. Pauvre Lutz, il est du mauvais côté. C'est là. Une banque? Melville va te prêter tes 115 000 dollars. Jamais il me prêtera une telle somme. Je vais mettre toute une vie à le rembourser. Et alors? Tu penses qu'il n'aura pas confiance en un gars qui a défié Hitler? En 1941, Jesse Owens obtient un prêt de 100 000 dollars. Quelques mois plus tard, il rencontre le président Roosevelt qui le charge de veiller au recrutement des Noirs pour l'effort de guerre dans l'usine Ford de Détroit. Les ennuis financiers de Jesse prennent fin. Mais il apprend, avec des mois de retard, la mort de Lutz Long en Sicile. Jesse est bouleversé de perdre celui qui était devenu pour lui comme un frère et avec lequel il continuait d'entretenir une relation épistolaire intense. Les années ne parviennent pas à effacer leur amitié. Et en 1964, Jesse Owens décide de revenir à Berlin, dans l'Olympiastadion, où il avait défié Hitler. Mon Dieu, ce stade vide, ces pelouses, ces tribunes, le ciel de Berlin. J'ai l'impression que c'était hier. Tout est désert maintenant, silencieux. Hitler est mort. Le Troisième Reich a été vaincu. C'est le passé. Oh, je ne me sens pas bien. Qui est ce type là-bas? Pourquoi il me sourit? Il vient vers moi. C'est... Non. Ça ne peut pas être. Lutz est mort il y a 20 ans. Pourtant, c'est sa façon de marcher. Un peu plus grand que moi. Le même sourire. Les cheveux couleur sable. Comme Lutz. Les yeux bleus. Lutz? Lutz? Bonjour, monsieur Owens. C'est bien vous? Je suis très heureux de vous rencontrer. Lutz? Non, je suis Karl. Karl Long. Je ressemble à mon père, n'est-ce pas? La même voix que... C'est vrai? La même voix? La même voix que ton père. Vous n'avez pas oublié notre rendez-vous, monsieur Owens? Bien sûr que non. Karl. Ça doit être curieux de revenir ici... Après toutes ces années. J'aimais tellement ton père, Karl. On était devenus comme deux frères. Je peux te prendre dans mes bras? Ça va aller, monsieur Owens? Oui, merci. Je n'ai pas de souvenir de mon père, vous savez. Je suis né en 41. Il était déjà engagé dans la Wehrmacht et puis... Il est mort en 43 en Italie. Je t'ai apporté quelque chose, Karl. C'est une lettre de ton père. La dernière qu'il m'a écrite, elle est pour toi. Je te la donne. Mais, monsieur Owens, vous êtes sûr de ne pas vouloir la garder? Je la connais. Je suis ici, Jesse, où il ne semble qu'il n'y ait que du sable et du sang mouillé. Jesse, mon ami, je ne crains pas tant pour moi-même, mais pour ma femme à la maison et pour mon jeune fils, Karl, qui n'a jamais vraiment connu son père. Vous la connaissez par cœur? Je l'ai tellement lue. Mon cœur me dit, si je suis honnête avec toi, que c'est la dernière lettre que j'écrirai jamais. Si c'est ainsi, je vais te demander quelque chose de très important pour moi. C'est que tu ailles en Allemagne à la fin de la guerre pour y trouver Karl et lui parler de son père. Parle-lui, Jesse, du temps où nous n'étions pas séparés par la guerre. Je veux dire, dis-lui comment les choses peuvent être, comment entre, les choses peuvent sur être cette terre. Entre les hommes sur cette terre. Tu vois, Lutz, on s'était juré de se revoir un jour parce qu'on était devenus des frères, toi et moi. C'est chose faite d'une certaine manière. Sur ce stade, en 1936, j'ai voulu défier Hitler avec des médailles. Mais c'est ensemble que nous l'avons vaincu, par notre amitié. Une amitié insupportable à Hitler et à tous ceux qui, aujourd'hui encore, attisent le racisme et la haine. Jesse Owens, un champion noir défie Hitler de Renaud Meyer avec Mexiano Medenu, Jesse Owens, Bertrand Suarez Pazos, Larry Snyder, Johannes Hamm, Lutz Long et Karl Long. Bruitage Sophie Bissans, prise de son montage et mixage Manuel Couturier, Guillaume Ledu et Nicolas Depagraf, assistante à la réalisation Sophie Pierre, réalisation Michel Sidorov. Vous écoutez France Inter, autant en emporte l'histoire. Dans quelques minutes, la suite de mon entretien sur Jesse Owens et les JO de Berlin avec mon invité Maryse Évanger-Épée. Woman, don't you know what I'm suffering from? Ease my pain, make it wash out with the rain. Relieve me and put it up on your shelf. Take it away and give it to somebody else. 'Cause I'm by love. Yes, I know we're connected, connected, connected by love. Yeah, I wanna be directed by your love. Connected by mine. You seem to know me best. You chose me out of all of the rest. Take me home with you and help me forget. Let's take the worst and somehow turn it into the best. 'Cause I know we're connected. We're connected. We're connected by Jack White, Connected by Love sur France Inter, autant n'emporte l'histoire. L'émission est réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Théo Gomard. Maryse Évangé-Épée, nous avons donc quitté Jesse Owens en 64 quand il revient à Berlin dans ce stade vide 28 ans après les Jeux Olympiques. Alors, il y a bien sûr une part de fiction dans l'histoire que je viens de raconter. Jesse Owens s'était-il intéressé par la politique d'une manière ou d'une autre ? Pas réellement. À cette époque, en 1964, il commençait à s'intéresser à la politique, mais il a mis énormément de temps à comprendre ce qu'il avait représenté, en fait, dans les années 36. Effectivement, la fiction nous montre un jeune homme qui était extrêmement concerné en 1936. Je pense que c'était assez peu le cas. Je pense qu'à l'époque, il était surtout concerné par le fait de courir. Alors, il savait, on entendait des choses, effectivement. Il avait été sollicité par les associations des droits civiques américains qui lui avaient dit « Ne va pas à Berlin, voilà ce qui se passe à Berlin ». Mais il y avait une certaine inconscience, et c'est peut-être après sa vie, dans la période de grosse galère, parce qu'effectivement la galère il l'a connue et pendant des années, qu'il s'est rendu compte qu'il avait été un symbole et que tout d'un coup il s'est intéressé à ce qui se passait. Mais quand il retourne à Berlin en 1964, d'abord il y va dans un cadre assez particulier, il est toujours dans la galère et il fait partie d'une tournée des Harlem Globetrotters en fait. Il est le monsieur loyal des Harlem Globetrotters qui partent à Berlin pour faire leur spectacle, et c'est dans ce cadre-là qu'il va revoir Carl Long, et j'ai la sensation que c'est le fils de Lutz. Tout à fait, ça c'est tout à fait exact à cette rencontre. Et j'ai la sensation que c'est cette rencontre en 64 qui va un petit peu modifier son prisme par rapport à la politique et par rapport à ce que lui, Jesse Owens, représente. Les Harlem Globetrotters, c'était une troupe de basket. Dans ses multiples vies après les Jeux Olympiques, effectivement, il rencontre des comédiens, des acteurs, des millionnaires, mais il va de galère en galère. En fait, il se rend compte qu'il est invité partout, non pas parce qu'on l'honore, mais tout simplement parce que ça fait bien de poser à côté de Jesse Owens, mais personne n'a l'intention ni de lui donner du travail, ni réellement de collaborer avec lui. Donc, il va faire 50 000 métiers, y compris effectivement jusqu'à du cirque, donc jusqu'à courir contre des chevaux, contre des femmes, contre des journalistes, contre des motos, contre des voitures. À un moment donné, les journalistes noirs américains disaient Jesse Owens a couru contre tout ce qui porte moteur et roue. Et sur son histoire personnelle, il a écrit plusieurs biographies, d'autobiographies qui elles-mêmes sèment le trouble. C'est un peu difficile de s'y retrouver là-dedans, parce qu'à chaque fois, il donne des versions différentes. Exactement. Je les ai toutes à la maison, d'ailleurs, des vieilles autobiographies d'époque que j'ai trouvées dans des bibliothèques. Il en a écrit trois. Les trois sont totalement différentes et au fur et à mesure qu'il réécrit son histoire, on a la sensation que tout d'un coup, il prend conscience de à quel point il était important dans ces années 36. Et donc, il va un petit peu enjoliver les choses. Et sa dernière autobiographie, qui est extrêmement religieuse, qui commence par un verset à chaque chapitre, est presque un testament, quasiment. Et presque une lettre d'excuse par rapport au fait qu'il n'ait pas compris que lui, dans son Amérique ségrégationniste, aurait pu avoir une position encore plus forte, peut-être, contre le nazisme et puis effectivement assumer ce qu'il avait représenté au lieu de le renier. Parce que pendant très longtemps, il dit non, mais Hitler, c'était un bon gars. Non, il a pas refusé de me rencontrer. Enfin, il était totalement perdu en 1936. Oui, alors pour vous, Maryse Évangé-Épée, c'est clair que Jesse Owens, Hitler a refusé de lui serrer la main. Alors, c'est beaucoup plus subtil que ça. Il est évident que Hitler n'a aucune intention de croiser Jesse Owens et que Goebbels l'en aurait empêché de toute façon, mais il le fait de façon extrêmement discrète. C'est-à-dire que Hitler était totalement obsédé par son emploi du temps et tout était écrit à la seconde près. D'ailleurs, dans les 1600 pages des Jeux Olympiques, donc le rapport des Jeux Olympiques qui existe au Comité Olympique, eh bien, on voit le minutage, mais presque minute par minute, de l'emploi du temps du Führer. Et dans cet emploi du temps, eh bien, il prévoit presque systématiquement d'arriver après les courses de Jesse Owens et avant les courses des Allemands. C'est volontaire. C'est clairement volontaire. Il y a un moment où il ne peut pas le faire, c'est après la finale du saut en longueur, où effectivement, il est venu normalement pour assister au triomphe de Lutz Lang et où il assiste au triomphe de Jesse Owens. Mais il ne serre pas la main à Jesse Owens parce qu'il est américain ou parce qu'il est noir ? Parce qu'il est noir, ça aussi, il n'y a aucun doute. Il recevra notamment Helen Stephen, la vainqueur américaine blanche du 100 mètres, alors qu'il ne reçoit pas Jesse Owens le même jour. Ouais, ce qui est quand même incroyable et qu'on découvre dans cette fiction, c'est quand même l'aveuglement, pour ne pas dire dans certains cas la complicité du Comité international olympique à l'égard de Hitler, ouais. et même du Comité olympique américain. Hein, on est en 36, le président Avery Brundage, qui est ouvertement antisémite et qui est proche du Ku Klux Klan, donc cette organisation qui se bat contre les Noirs. Enfin, c'est assez étonnant. Ils se sont laissés duper. Avery Brundage, c'est toujours par Hitler. C'est toujours défendu d'avoir des collusions avec certains groupements, on va dire, extrémistes américains. Mais c'est vrai qu'on lui a beaucoup reproché, notamment, c'est un milliardaire, hein, Avery Brundage, qui a fait notamment fortune grâce à l'architecture. Et il a eu un certain nombre de marchés, comme par hasard, en Allemagne, juste après la visite de l'Allemagne, puisqu'effectivement, il y a eu quand même des discussions aux États-Unis pour savoir si les États-Unis allaient se rendre aux jeux nazis, puisqu'on les appelait comme ça, les jeux 1936. Pour le boycott, oui. Et Avery Brundage a dit, bah, écoutez, casse cela ne tienne, nous allons envoyer une délégation en Allemagne pour voir si on traite mal les Juifs en Allemagne. Et puis, vous doutez bien évidemment que quand ils ont fait leur petit voyage en Allemagne, ils n'ont vu que des choses magnifiques et absolument aucun problème envers les Juifs ou les Tziganes qui étaient déjà déportés à cette époque-là. Oui, les Allemands cherchent donc à se donner une bonne image, donnent des consignes d'apaisement pour la durée des Jeux Olympiques. Par exemple, on découvre ça dans votre livre, Marie-Évangée Épée, aucun étranger ne doit être arrêté, même s'il est homosexuel. Enfin, c'est écrit noir sur blanc dans ces fameux 1600 pages du Comité olympique. Moi, je vous avoue, quand j'ai lu ces pages, j'étais sidérée parce que je me dis, mais c'est consigné. Oui, c'est ça veut écrit dire noir que, sur blanc. Que le Comité olympique sait ce qui se passe. Ah, mais il ne peut pas ne pas le savoir, ça, c'est pas possible. Donc Jesse Owens commet l'affront d'obtenir, de remporter 4 médailles d'or. Autre affront de taille, c'est cette amitié avec Lutz Lang, que d'ailleurs je crois que Lutz Lang va le payer cher. Oui, alors l'amitié a peut-être été exagérée ou en tout cas amplifiée par la suite par Jesse Owens, mais en tout cas les images, et notamment ce fameux geste incroyable de Lutz Lang saisissant Jesse Owens et brandissant son bras face à la tribune, ou encore la fameuse photo prise sur le stade. Il faut dire que c'est une époque aussi où il y a les médias sont présents aussi. C'est les premiers jeux internationaux mondialisés, télémondialisés, parce que c'est en mondiovision, dans le monde entier, il y a 80 caméras, les fameuses grosses téléphoniques de l'époque. Oui, donc le monde entier assiste à ce geste. On ne peut pas le manquer, ce geste-là, alors qu'il est impensable. Autant on peut imaginer que les athlètes américains ne sachent pas complètement ce qui se passe en Allemagne, autant il est impensable que Lutz Lang n'ait pas conscience des conséquences que son geste pourrait entraîner en faisant ça face au Führer. Et effectivement, après les Jeux, il est envoyé sur le front le plus dur, puisqu'il fait partie de la Wehrmacht, contrairement à ce qu'on pense, et il meurt tout simplement. Et Jesse Owens, lui, mourra bien plus tard en 1980. Merci beaucoup, Marie-Évangée Épée, de nous avoir rappelé cette histoire. Votre livre, La fabuleuse histoire de Jesse Owens, est disponible chez En Exergue Éditions. Autant n'emporte l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous parlerons de l'étonnante histoire d'amour entre Albert Camus et Maria Cazares à l'occasion de la sortie récente de leur correspondance chez Gallimard. C'est le 6 juin 1944, le jour même du débarquement allié, que l'écrivain résistant et la jeune comédienne ont débuté leur idylle. Cazares, Camus, 1944, prélude à l'amour, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire. Mais tout de suite, enfin dans quelques minutes après le flash, vous avez rendez-vous bien sûr avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. Excellente soirée sur France Inter.